Là, je suis avec Camille du groupe Novelliste pour une date du warm-up à Toulouse. Merci Camille de prendre le temps de parler un peu avec nous. Avec plaisir, merci de m'enregistrer, de m'interviewer. Ça fait plaisir. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur ton arrivée au sein de Novelliste, parce que enfin, tu n'étais pas une personne inconnue au bataillon pour eux. Tu avais déjà collaboré avec ton ancien groupe sur le précédent album, si je dis pas de bêtises. Mais comment ça s'est passé concrètement, ton arrivée dans le groupe C'est ça. Alors en fait, en 2019, Novelli cherchait une voix féminine pour faire les harmonies de leur album C'est la vie. Donc, ils m'ont contactée, je suis montée à Paris, j'ai fait toutes les harmonies, et puis finalement, à la fin de la session, ils me disent on aimerait bien peut-être faire un featuring si ça te dit. Et du coup, on a fait ce featuring-là. Puis après, je suis retournée à Marseille, et puis la vie a continué. Et en 2023, quand ils cherchaient un nouveau chanteur, ils se sont dit pourquoi pas une nouvelle chanteuse. Ils m'ont contactée, on a fait des petites auditions, on a fait des sessions d'enregistrement en studio, et puis me voici. Bah justement, en plus, le groupe, d'après le dire global, était un peu en perte de vitesse, ils réfléchissaient à arrêter, tout ça. Qu'est-ce que t'as apporté qui a fait que tu leur as redonné la vie, quoi? Je pense que eux, ça fait 10 ans du coup qu'ils font de la musique, et au final, moi, je suis arrivée avec l'envie, la fraîcheur, la nouveauté. Moi, j'étais pas encore rouillée d'écrire, de composer, d'aller faire des tournées. Donc, je pense que c'était un peu l'insouciance et l'innocence des débuts que eux avaient un petit peu perdu. Et puis la motivation pour moi, c'était un peu l'opportunité de ma vie de faire de la musique, et du coup, je l'ai saisie. Et eux, ils ont vu ça comme un nouveau souffle. Et du coup, on a tous été très motivés après ça. Ça fait plaisir de savoir en fait que quand toi tu c'est grâce à toi un peu que c'est toujours vivant, ça doit être gratifiant quand même. Ah oui, c'est très gratifiant. Après, ils sont tous très très motivés, très créatifs, et du coup, je prends pas tout ça sur mes épaules. Non, je dis pas ça non plus. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir de savoir que le groupe continue en tout cas avec moi au chant. Ouais. On va parler un peu du warm-up, vu que vous êtes en pleine tournée warm-up. Yes. Déjà, quelle est la valeur pour vous en fait de faire ce warm-up? En quoi ça vous fait plaisir? En quoi ça diffère d'une date, on va dire, un peu classique? Parce que des tournées, vous en avez fait plein ces derniers temps, en Europe, en France, en Asie. Australie, ouais. Ouais. En fait, c'est quoi qui change de faire des concerts avec ce warm-up comme ça, ouais. Ce cadre? Au niveau des conditions de tournée, pour moi c'est le luxe. On a un super tourbus, on a une équipe technique, toute l'équipe du Hellfest Warm Up qui s'occupe très très bien de nous. Ouais. On est vraiment chouchoutés. On a aussi l'image du Hellfest. En fait, on a l'impression qu'on a un peu la bannière Hellfest et on fait le tour de France avec. C'est très gratifiant. Donc on a beaucoup tourné, mais à l'international depuis un an et demi. C'est vrai qu'on avait un petit peu mis de côté la France, et là c'était l'opportunité pour nous d'aller justement conquérir la France, aller voir un peu le public dans les différentes villes, et le public a répondu présent. Du coup, c'était très cool pour nous, et faire le Hellfest Warm Up cette année, ça veut aussi dire pour nous faire le Hellfest en main stage cet été au festival. Du coup, c'est un peu la consécration, quoi. Donc on est super contents. Je vois. Et vous tournez là depuis donc maintenant plus de 15 jours avec les Brésiliennes de Nervosa. Donc elles font du thrash, vous faites du metalcore, enfin du metal moderne. Ça se passe bien ou vous pouvez pas vous entendre parce que les styles sont trop ça se passe super bien. Justement, les styles sont très différents, et je trouve que c'était génial de la part de la programmation du warm-up, parce qu'on a beaucoup de... Finalement, les gens, ils arrivent à écouter les deux, et du thrash old school et du un peu plus moderne metal. Et moi, j'ai vu des personnes à la fin du concert qui viennent me voir, qui étaient venues pour voir Nervosa, mm-hmm. et qui viennent me voir en me disant, bon, c'est pas mon style, mais j'ai kiffé, j'ai passé un super moment, je réécouterai. Et sinon, l'entente avec Nervosa, c'est génial. Elles sont super, super gentilles et on s'entend super bien. Et d'ailleurs, après cette interview, je vais aller coiffer la batteuse pour le concert de ce soir. Ouais, donc ouais, vraiment une super entente. Bah, ça fait plaisir. Et toi, de ton côté, est-ce que le trash, c'est quelque chose qui te parle ou tu n'en écoutes pas vraiment? Non, moi, j'écoute pas. À la base, moi, je viens plutôt du hardcore, du punk. Mm-hmm. Du coup, le trash, ça peut être proche, mais c'est vrai que je suis un peu moins fan du style de cri. Mais par contre, l'instru, je trouve ça très très cool. Et de toute façon, en concert, c'est toujours mieux. Oui, et j'adore les voir tous les soirs faire leur concert et l'énergie qu'elles y mettent. C'est sûr que le trash, tu l'écoutes un peu moins chez toi avec tes écouteurs dans ton canapé. Mais en concert, ça envoie et c'est vraiment génial. Bien sûr. Le 16 mai prochain, vous allez sortir un nouvel album, Coda. Moi, j'ai pas pu écouter plus que les 4 extraits que vous avez déjà proposés parce que l'album est pas, enfin, c'est pas encore disponible un peu pour les médias, mais c'est pas bien grave. Moi, ce que j'ai vu, c'est que vous avez quand même pas mal évolué dans votre style par rapport même au dernier album, et puis même dans l'histoire du groupe, il y a quand même une vraie évolution. Il y avait des passages qui étaient presque deathcore au tout début. Je trouve qu'il y a des éléments métal alternatifs qui arrivent et qui marchent bien aussi avec ta voix. Il faut s'attendre à quoi en fait pour cet album? Alors, sans tout dire parce que vous n'êtes pas encore en promo dessus, mais... Ouais. En fait, cet album, donc forcément, c'est plus les mêmes chanteurs. Il y a des nouveaux musiciens aussi. Pierre est arrivé il y a 4 ans. Donc la composition et le process de création des chansons et de l'album, il est différent. Les mêmes personnes il y a 10 ans sont aussi différentes maintenant et du coup leur créativité est différente. On a voulu créer quelque chose de nouveau, on a fait beaucoup de fusions, donc ouais, quand tu dis un peu plus moderne, je suis complètement d'accord. À quoi s'attendre sur cet album? Beaucoup de surprises, on essaie de mélanger beaucoup de sons, de proposer des choses qui n'existent pas déjà, parce que pour moi c'est ça le but quand tu crées un album. Si tu fais déjà ce que tu as déjà fait, bah, autant écouter les anciens albums, t'as pas de plus-value à ce que tu t'y apportes. Et du coup, ouais, beaucoup de nouveautés et de surprises. Okay. Et sur les deux précédents albums, il y a eu 2 collaborations avec Landmarks. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle collaboration avec Landmarks sur cet album ou pas du tout? Sur cet album, non. On a 0 featuring. C'est le premier album avec moi au chant. Et du coup, on a voulu vraiment bien instaurer l'arrivée, qui est la nouvelle chanteuse. Et, sur vous. C'est ça, exactement. Okay. Et dans le futur, il y a des collabs qui, toi, personnellement, te feraient rêver? Parce que vu qu'en plus, tu dis que tu, entre guillemets, t'arrives un peu, ça y est, dans le milieu... Est-ce qu'il y a un groupe ou une personne avec qui tu rêverais de travailler? Ah oui, il y en a plein. Je rêverais un feat avec Poppy, par exemple. Mm-hmm. Qui est-ce que j'aime bien aussi? C'est pas mal de feats en ce moment. Ouais, ça, ouais, ça, en plus, ça paraît, ouais, voilà. C'est le genre de personne qui est jouable. Ouais, franchement, il y en a plein. Le chanteur de Sleepwalken, si on peut vraiment rêver très très haut, très très loin. Qui avait d'autres? Il y a une fille qui s'appelle, je viens d'oublier son nom là, une égyptienne. Vous l'avez pas? Lucie, peut-être. Elle est dans le label de Sleepwalken. Elle s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Je retrouverai le nom et je vous le dirai. Akil... Je sais plus ce que c'est. Non, j'ai plus. Bon, mais voilà, en tout cas, des très bons... Il y a plein de groupes, plein de chanteurs avec qui je rêverais de faire des collabs. Bah écoute, peut-être sur la suite. Croise les doigts. ma dernière question, elle va être un peu autour justement des festivals, de tout ça, parce que comme tu le disais tout à l'heure, vous êtes au Hellfest en main stage, c'est quand même toujours énorme. Vous allez passer à l'Extreme Fest qui est pas très loin d'ici aussi, et vous faites globalement beaucoup de dates de festivals en France, mais vous en faites aussi des très gros en Europe. Oui. Enfin, je crois que vous allez en Belgique au Grass Pop. Oui, on fait le Grass Pop, le Download. Le Download, voilà. Le Radar, ouais. Voilà, en fait, quand même des très gros noms. Oui. Ça montre que tout le monde a envie de vous avoir, ce qui doit être hyper gratifiant. Mais est-ce que ça ne fait pas aussi monter un peu la pression? Parce que maintenant, il y a eu une grosse attente. C'est ça. La pression, non, parce que c'est pas... C'est pas différent de faire un concert pendant une tournée. C'est vrai que moi, j'appréhende un tout petit peu le Hellfest pour la quantité de monde qu'il y a dans le public. Mais je me dis qu'entre 1000, 2000 ou alors 10 000 personnes, au final, je suis pas sûre qu'il y ait une très très grosse différence. En tout cas, le plaisir est là et surtout le fait qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour Novelist, ben, ça motive encore plus et du coup, ça apporte de l'énergie pour tous les festivals de cet été. Okay. Est-ce qu'on peut conclure en nous parlant un peu de ce qui est prévu un peu pour 2025, bah, du coup hors festival dont on vient déjà de parler, est-ce que vous allez sortir de nouveaux clips, donc l'album oui. On a déjà un peu parlé aussi, c'est ça. C'est peut-être une tournée à l'automne. Alors du coup cet été, en mai on a la sortie de l'album, on sort un clip. Pour la sortie de l'album, qui est un de mes singles préférés, donc j'ai trop hâte qu'il sorte. On a un autre clip aussi qui va sortir après la sortie de l'album. On essaie de réfléchir à des live sessions et on a plusieurs tournées qui sont prévues pour la fin de l'année. Donc là, on va dire que après cette tournée warm-up jusqu'à septembre, on est tranquille, on n'a que des festivals. C'est-à-dire que des festivals déjà quand dans le même week-end vous allez enchaîner Hellfest, Grass Pop, le queue il est quand même c'est ça, mais du coup ça va être que des week-enders, que les week-ends, et donc on a la semaine pour être un peu plus tranquille, et on n'a pas encore exactement les dates, les groupes, les lieux, mais en tout cas on sait qu'il y aura de l'Europe, il y aura de la France, il y aura de l'Asie, il y aura des États-Unis, voilà. La fin d'année va être chargée. C'est super d'arriver à s'exporter aussi bien, oui, parce que c'est pas donné à tous les groupes français, au contraire. Enfin. C'est vrai. Ça a été une stratégie de management Novelist, de bien s'exporter à l'étranger. Ouais. C'est plutôt réussi. Oui. Écoute Camille, merci beaucoup. Merci à toi. Ben, on a hâte de te voir sur scène tout à l'heure. Et finalement, les gens peuvent vous retrouver bientôt un peu partout en France si vous en ratez pendant le warm-up. C'est ça, voilà, il ne faut pas hésiter à venir. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi.